Oh, mon village de vieux voulait plus m'entendre beugler. Fait que j'ai sacré mon camp, les cordes vocales bien usées pour chanter la honky tonk blues. Et la honky tonk blues. Et le petit Jésus, on chante le honky tonk blues. Ça fait que là, j'ai fait le tour de toutes les saloons de la ville. J'suis venu à conclusion que j'avais la step être facile. Danser la honky tonk blues. Et la honky tonk blues. Et la Sainte Marie, on swing sur la honky tonk blues. Fait que là, j'ai vidé mes poches dans grosse machine à chansons. Flatté de trois moustaches pour que les gommes payent de la boisson. Trinquer au honky tonk blues. Et le honky tonk blues. Et les gros Joseph en solo honky tonk blues. Je me suis réveillé tout nu sur le top d'une grosse roche. J'ai vu le curé de mon village façonner les cloches. La mort du honky tonk blues. Oh non, la mort du honky tonk blues. Et je t'en prie Dieu, ma vie c'est un honky tonk blues.